Zeggen we nu de Silo Hind en Brezonnik? C'est l'heure de retrouver Hind en Brezonnik. On se retrouve pour Hind en Brezonnik, Eri, c'est la leçon 492. Daouzek. Père Hind Daouzek à Perugen. Père Hind Daouzek à Perugen. C'est ça. Et on commence comme d'habitude par un mot. Dans le cadre de Gerriou Arvué, les mots de la vie, le mot aujourd'hui, ce sera quoi, Henri ? C'est cresque. Ah. Cresque. Alors, c'est un mot masculin, hein. Donc, avec l'article, ça fera cresque, hein. Et qui est emprunté directement au latin, hein. Cresque, hein. C'est la même chose en latin. Et emprunté au latin quand on était en Grande-Bretagne. Il y a déjà quelques siècles de ça. Presque deux millénaires. Et donc, cette racine veut dire augmentation, hausse, hein, d'un phénomène, d'un prix, d'un individu, hein, cresque. Alors, ça correspond à le mot français. Là, comme souvent, le mot breton est plus près du mot latin que le mot français. Le mot français, c'est le croix, avec un accent circonflexe sur le i qui remplace le s latin. Le croix, mais ça se dit plus beaucoup, quoi. C'est un peu vieillot. Ça reste dans la croissance. Alors voilà. Alors justement, aujourd'hui, on en français, on dit plus souvent la croissance. Alors, la croissance, on en parle sans arrêt, hein, puisque c'est devenu un dogme, un véritable dogme économique. Tous les économistes nous rebattent les oreilles de ce mot-là. La croissance, c'est bien. La croissance, et oui. C'est ça qu'il faut. Voilà. Et on ne réfléchit pas du tout plus loin. Il y en avait un que j'aimais bien. C'était Bernard Maris, qui avait une approche différente. Mais c'était une voix discordante parmi les économistes. Il était venu à la foire Biozone, Bernard Maris, et on l'avait interviewé sur RKB, sur l'eau, le prix de l'eau, c'était très intéressant. Ah, oui. Il avait une vision différente de... Mais la plupart des économistes tombent dans ce dogme-là qui est devenu quasiment religieux. Hein. Voilà. Et sans d'ailleurs qu'on explique comment on calcule la croissance, hein, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Bon, alors on va pas... On va pas parler du moral des Français, non, qui correspond à tout ce qu'ils achètent aussi, mais c'est à peu près la même chose. Voilà. Donc, alors cette racine latine, on la trouve dans l'italien crescendo. C'est crescere, le mot croître en italien, et en latin et en italien d'ailleurs. Et ça a donné crescendo. Hein. Les termes musicaux viennent souvent de l'italien. Un crescendo, comme dans le boléro de Ravel. Hein. J'ai entendu ça toute ma jeunesse parce que mon père aimait beaucoup cet air-là. Et tous les dimanches, on passait le boléro de Ravel sur un disque 78 tours, sur le gramophone. Hein. Donc j'ai ça en tête, le crescendo, voilà. Alors, donc en breton, ça a donné... le verbe kreski, hein, kreski, qui s'écrit kreskin, hein, on prononce pratiquement kreski. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce qu'en espéranto, c'est le même mot. Parce que Zamenhof avait pris la racine latine, et comme les verbes en espéranto se terminent tous par i, ça donne kreski aussi, quoi. Voilà. Alors, il y a deux verbes, hein. Il y a kreskin et kreskat, hein, c'est pas tout à fait la même chose. Kreskin, c'est plutôt croître pour un organisme, tandis que un organisme ou n'importe quoi en fait, et tandis que kreskat, c'est faire augmenter en fait, hein, c'est augmenter, mais l'action de faire augmenter quelque chose. Mais le participe passé elle-même, hein, c'est kreskat. Hein. Alors il y a beaucoup d'expressions avec kreskin. Hein. Par exemple, quand un enfant était né dans une famille, hein, on dit kreskadendut. Hein. Et c'est joli, ça, hein, kreske den dut. Hein. On disait jamais « erbugel so grandon », etc. Des fois, même, j'ai entendu dire « kreske der zikour ». La main-d'œuvre a augmenté dans la... Alors, c'était marrant, s'agissant d'un bébé, quoi. Il n'était pas capable d'aider beaucoup. Mais on voyait à long terme « kreske der zikour, ma famille ». Donc, « kreske den dut ». Il y avait aussi une expression que disait une dame de Pemrit, souvent, là, du bourg de Pemrit, elle disait « Kresk ira ba me daulaget ». Oh là, mais ça, c'était pas gentil, ça. Ça, c'est pas gentil. Je ne pouvais plus le voir. Il m'exaspère. Il grandit dans mes yeux, quoi. Hein. « Kresk ira ba me daulaget ». Ça veut dire qu'elle pensait plus qu'elle lui était obsédée, tellement ça l'énervait. Oui, c'était pas... Voilà. Donc j'ai dit qu'il y avait Kreskin, Kreskat. Il y a 10 Kreskin, évidemment, hein, décroître. Alors la croissance, c'est crescence. Et la décroissance, une digrescence. Hein. Les décroissants, quoi. Hein. Voilà. On en a parlé beaucoup pendant un moment donné. J'ai l'impression que c'est plus tellement de mise aujourd'hui, hélas. Alors, des mots dérivés, hein, de cresqui, hein, crescadure, hein, digrescadure, c'est la même chose, hein. Crescadure, c'est aussi, c'est un mot masculin, hein, puisque tous les mots en adur sont masculins, sauf pligeadure. Oui. Voilà. C'est aussi un mot, alors dit, voilà. Crescant, je l'ai déjà dit, qui est un mot féminin, donc ça donne grescance, hein. Voilà. Cresqueur, c'est celui qui fait augmenter quelque chose, hein. Et le contraire, c'est digresqueur, hein. Le diminuant, hein. Celui qui fait diminuer quelque chose. Bon, cresqueur, c'est pareil, hein. Il y a plein de néologismes qui sont bâtis, hein, mais faut pas faire des néologismes, à mon avis, trop longs, hein. Comme cresquidigues, par exemple. Ça commence à être long. Ça veut dire une majoration. Et digrescidigas, une ristourne, quoi, hein, une diminution. Mais après, on arrive à des mots qui sont trop longs. Hatkresk, une repousse, hein. Kresk et hatkreskin, hein. Voilà. Petrozohras. Kreskloire, c'est le premier quartier. Ça, c'est joli, quoi. Hein. Et lambgresk, c'est une croissance rapide, soudaine. Un essor, voilà, les Trente Glorieuses, disait Marie-Laure ce matin. Voilà, c'est un peu ça. Et bon, on va s'arrêter sur les Trente Glorieuses. On en reste là. Henri, avec Guerriou Arvué, on passe maintenant à Brézonnec Temps Matembe. Brézonnec, Temps à Temps, toujours avec Henri Lenaou, c'est l'émission Inter Brézonnec, et Brézonnec, Temps à Temps, c'est le petit dialogue, comme d'habitude, qui se passe dans ce village merveilleux de Zantoloc, un village qui se trouve entre Trémargat et Pommeret de Quintin, et Lanrivain, juste au milieu, fait, hein, milieu, voilà. Et là, il me semble que c'est le camp d'Arbob, Henri, à Zantoloc aussi. Ouais, alors on va en parler. Parce que Job Dédé, l'instituteur en retraite, mais il continue à exercer les enfants pour le camp d'Arbob. va se produire encore cette année, et donc Czernik est allé le voir. Parce qu'il y a une école encore à Zantol. Oui, il y a une école à Zantol, oui. Voilà. Salut, Job. Ma de jeu. Matré, Czernik, matré, nahui. Matré, oui. Mais la redinta, prestig et vos candarbo, bah, d'arré. Ya, Czernik, bah, pouderien, vos, bendessul. Mon ri droit, ce qu'on a, ce qu'on dit. Ya, gon ce qu'on dit, Zantol, a réel de ce pouderien, blanc, réel CM2. Ah, presti en trau, gonor? Ya, presti en trau. Blanc me vocan le d'or gandaouen, bitzavet gand Glenmore, plus dur. Glenmore, zouet en an an, un ugen plasso. Pesor gandaouen? Gronvel est vel juste, hein. Ben, gronvel, ya, car en brau, homjou a gen ton. Chance va d'orne. Ya, merci d'ar, Czernik. A tien desul. Ken desul, job. Tien desul, ya. Et on reprend. Ce petit dialogue, phrase à phrase, entre Czernik et Job, on va traduire maintenant pour les auditeurs. Ouais. Salut Job, manage. Oui, salut Job, comment ça va? Matré Czernik, matré Narwi. Oui, bien, très très très bien, hein, Czernik. Et vous? Puisque on vous voit par ici. Hein. Matré Ivé. Mais la redinta, prestik et vous, Kanarbob, Adare. Oui, bien, mais dites-moi, bientôt il y aura le Kanarbob à nouveau, Adare, hein, à nouveau. Ya, Czernik, bah, plouderien, et vos bendisul. Ya, ce sera plouderien, dimanche. À Monnerie, droit, seconde, arscolidi, demande Czernik. Oui, et vous irez encore avec les enfants, avec les élèves. Ya, gonscolidi, zantolek, à Réal de Splouderien, ré, CMDAO. Oui, alors entre ceux de Zantolek et ceux de Plouderien, qui est la commune d'à côté, donc les CM2. Parce que je pense qu'ils ont un projet de regroupement pédagogique entre les deux. Donc ils commencent à faire des choses ensemble. Après, c'était un traoganard, demande Czernik. Et les choses sont prêtes avec vous, hein, pour traduire mot à mot. Il y a blamant vos cornettes en ganawen, betzavet gand Glenmore. Zoet d'un Hugen Vlasso. Oui, cette année, nous chanterons une chanson qui a été faite par, composée par Glenmore, qui est mort il y a 20 ans. Pesseur qu'on a, oui. Alors, quelle chanson? Gronvel, vel juste. Bah, Glomel, bien sûr. Hein, c'est Gronvel, la chanson sur Glomel. Kave de hand brau un tons, aga homjou. J'aime bien le. Un ton, hein, c'est un ton. J'aime bien le. Oui, mais c'est la photocopieuse qui a une ratée, là. J'aime bien la musique et les paroles. Chance va d'orneuer, dit Czernik, alors. Oui, bah, bonne chance, alors, dit Czernik. Trugarez, à Bendisul. Merci et à dimanche. Bendisul, Job. Bendisul. Petra zo neve ar vro. Ben, kalze dro zo neve, bo ar vejdi ouz an evel just. Krogom de Diantan et Velkis à Custum, Gandela à Bourdouar, à Gervu et Warermes. Calze Gudé nous ou Ormar et Mans, Gandela à Bourdouar, à Calze Reuse au Ganzé, Dreistol, Gandelez à Gandemort, Reise les Herprise, et Vide Halfe labouré à Yendouar, Bévan de Zola à Bourg. À Gazézo, on dra triste, à Gédédé Ortrous, Vide, Vide non divin. Bon, dit ce manquant, hein. Mais de bêta vraiment avec Gouel et de Kals Discoul Mawarzi. Péant Combs de ze la Bourdouar, zo moyen de Combs on tombe de ze Nendro, puis dur la Bourdouar à Nendro et zo Liam, les belles juste, ag pas de nan ou abelak de Hisk, l'en Guerlédande. Scars et Endur, hein, et loin Endur de Hisk, ya. À Calze Dudes au Bid, vel de Len Guerlé, dans le port de Nam Zarze, spéno millions de dunes, besclèvent, hein, zo Bid, pis zo Jésus, hein, bénéfine. Ag, vraiment, et bé Hatkarg de Len, n'est que bépel, vibou Hatkarg, puis dur zo Bid, glo, tien zo Bid. Ag, bon, dis, et bé Hatkarg vonis. Ag, vraiment, zo lac pisk bars. À Guis ben Daupedri Blaham, vos moyens de besqueterie, de mandadare, de besquetade, war à lens, ou sort barados et vide de besqueterie. Plus dur, on compte de l'arbre d'ouar, de scuder nous au bête, hein, dur, aux bécales heureuses, war à nechou, à maison de vos heureuses, quoi, war à trouel, ne ce que de discours me bête, bénéfine, hein, plus dur, bon, ho, de prime, ou, de l'arbre d'ouar, mais c'est autant votre, ou, d'histoire bénéfique, quoi. À zézo orgueux d'une phrase, à vrai, c'est plus dur, l'arbre d'ouar, zo chiche, siche d'économie, hein. À peine, n'a que mort de l'arbre d'ouar, n'a que mort d'un trouel. Spie, meuse, même strave, au cave, disclum, ou évite, elle fait, l'arborerien d'ouar, bévant de zo biche. Gouelet vaut, pis sa mot vaut con. Wardachen, or politique, reste vraiment, de ce que Gual Belzo et aide Nitron Tobira mais de ce gouvernement de ce que Nezi Harg Agi Hador de Jean-Jacques Urvois aux Ondines de Sevro PJJU Vela Bavro Ag Bon c'est vos dernes de Zendu de l'art à vos matresses et non drava de vide braise en me plus dur Jean-Jacques Urvois de ce bétkini que trop vide braise en mais de ne plus que calze grid change aussi calze drap plusieurs au vjeai politico il y a une bapar ils alisent de n'une que jonche de splaring de à gaverette et l'art vel réel en plar gauche des hommes mayonnaine l'art et pever mesken dive des retard l'art bé bayon dit se fait compte quoi hein. Ni se fait qu'on a zévé gouel et d'Alice. Ou ar d'achèneur politiqué reçoise, comme se fait calz bavro de ce strolade ou parouge ou bamarme, communauté de communes, hein. Bonne vipézel brocala que chèche rentro, bemdé casiwar. Le préfet de Niwakini getstog en brocala gand strolade kreis breiz, hein, alors c'est CKB. Bamis Tierzu, Cusilérien, Kierkalak, Niwadiba, Benmont de Gares, Grand Strolade, Poer. Mais de Parouz Joël, Niwadlar, Edouard, Gouelor, Grand Témont de Vengam, Vel, Zanserves, Bulad, Zanigouden, à Melpistien. Bon, à 10, Zobé de Tabu, Trendu, de Benefin, Strolade, Paris, Joukalak, ne se vote vraiment Vimonde, bah, Gwengam. Quoi, le dvo pis sa mot vos con, je vois vos tambouches, je plais, vois, voir un dachens, hein. Comme se rend, à l'Ise d'art, vége nom, sur bopet content d'art, de ze hen kreis breis, et ren, quand pevar a trugen, pis n'a rien bord, et ren 164, ag, un drasis au, au moyen de gomme sport pel, pis dur, ouabé divisen, ober un ense, pis oua de Gaulle, ouar cadre, république, war quand on veut république agazies des eaux pelzo bois hein toaster hunter quand l'assaut ag bonne tomba tomba un trou hawario ou arog igor advevé génome zo war un ton de bras un tempête de kilomètre pédau Mais bon, n'est que dit presse de vous déjurer. Mais on le voit croire la boye au prestige. Bon, quel vaut. Mais déjà, au temps occupé, nous vit le goût de reblar très ménau. Bon, quel ram ma très ainsi rogue va mettre non angle, mais n'est que sûr. Hein. Bon, wardash un zévenat du vraiment calze trouve et grette quand on retourne. Vite divin aux événements, hein, mames manin que zikou recals grande politique aérien, velzo bequel ne vaisseau, piwa, bikini gun grande Paul Molac, or lesen vikas en temps waro vid, yezu guasket, ba provrance, mais non se ji oisois que calzetude, ba comme un député, non, de ce braise en me wak me dou, Paul Molac à Marc Le Fur, rel waran que plar en agnette, ou que très grande dute. Ou que très grande dute. Jean Gerain m'a très envie de réouanke d'azen, j'ai de l'art pérec ouanke d'azen, mais parce que Clé me demande, bébé, t'as vraiment, n'avoir radio, n'avoir skinwell, n'a mande, bébé, non, parce que bébé, comme je le sais. Bon, c'est Arzak de Breton de la bourre à de Sturm, hein, vide Zévena du Rorbro, ag NDL ou abé de Roder Prisiou, videré de ce bel labour de Warabrezonok. Quand j'ai dit de ce labour de Warabrezonok, mais n'est que tout de reprisou, ou à Bepla vers haut de prisou, et videré de ce grève en train de benneket, et videré de Brezonok. Après, si tu peux au comble de Straudis, vos cornerball, lance dit, déjà, vos guédem vaudou, on tombe bébler, hein, en m'en voudrait de Babel Caress, ag bamismers agar vogel calz ganderien conterien zonerien potre d'amer bugal et à toute cause bob sort ag zesobra on dit nanes labour et calz vide braise à vide d'astum trog du war braise et donatien laurent boyer blavez au triugen ne sbe de enrol calz dut de zevro ag vraiment nanteur quasi war nanteur de ze lab on esgret puis on esgret de wardro wer quand nerves en roladur zo bid de lac war roedat gandastum ag vous moyen dont de vel de à de vel de peso bigret quand temps pewano comes d'art de donatien laurent tadine de jonge de zone denel stade ndl va parler très mal gad war rené richard à René Richard, ne se bélabour et calze, il y a un rôle en tut, puis Vigégré de Gazette en Ovropline. À Zéwa, Rogue, ou à Bécrou, et d'RKB. Mais déjà, un dude aurait Gazette en Ovropline, jonge et bah, ober radio. À René Richard, à nous au rack 13 L, vide Ovro, mais de, bon, de si, vous comme je dis, vous attends. Calze les verres, ou à Bladé, nous, et Gré, de Remar et Mans. D'Asquer, Mart Vassalo, ma Nesgred, bon, Mart Vassalo, Zorana, Venma, Bavro, Ganderes, un Nesgred, au Lever à Gorbladen, de Heuil, d'Iwar Ben, Pesoa Begret, Gan Maurice Duhamel, et Zouandin, à Gezer, et Tonio Disse, Rock Brezel Perzek, à Bon, au Sacré Labre, au Gret, Gan Mart Vassalo, ma Senpes, Cleve, Ney, War, Wagen, ou RKB. Ag kave war a roed at ve kave me hendel ler yo wel ve moyen de zo moyen de gade lever ag bladen da squir ba stal lever yo moy image ba gwen gam on tom bruderas hendel kom se rend d'arve genam zor de zer one chartier zo gazeten ar azo hon ave ma de braise ag neus gred Lever, fin du soir, ou à Histoire Brace. Histoire. Et le floc, Chartier. Et il y a, non, Chartier, le floc. Chartier, le floc. Et il y a, Anne-Sgrède, Lever, ou à Gand, Amzer, ou à Histoire de Bretagne en 100 dates, en temps, vu Elvige et Grède, Végé disque de Nistore, Gogel Gauss, Péouen, enfin, Gogel Gauss, Péouen, Mi, Canfard, Végé disque de Heiskan, Charlemagne Empereur, 1515 Marignan, Agadis, quoi. Milhoir Kandik, ou Omar Harry Pair, avec Vigé disque de Histoire 10, quoi. Bon. Puis on peut comme de Histoire Brace, au plat de Zevro, Laurence Moal, puis Larine Mott, un esgré de Lever Jusmod, ou un rebut et du Guéclin. du Guéclin ou à Bégandet, bah, Trise Kanhugen, bah, la mode bron, au Hast, la Zoquet bromen, puis au Bédistru, j'ai de bopet. À Hez, ou au Zoudart Gopret, un mercenaire avec Edessé, ou à Kedonar, au Stambé, dans mes, Grets et Bé de Bonne Grande Bue et du Guéclin, au Bégret, au Berne, Contadénou, hein, vie de, Pézuelard, de le roman national de la Rédé, à Gleversesisk, Pessamo, des B2 du Guéclin, de vous, de Ondenmeur, Bénéfine, Grande Inor, Grande République, hein, Bénéfine, elle avait fait B2, Ondenosturm, et vie d'un démocrate, Télus, quoi. Ondra, Fentusoir, Bénéfine, quoi. Bonne, Hendel, Wardash, de son air, ce Zocage de Trou, Hermar aimant, d'Asquir, Bernes Tanguin, Hadzav, d'Ostrolat, Pembis, Agenes Gret, en Blad, en Vidor Vugal, et Agor Blad, en El, Roise, vraiment, Hies, Wad, de Strolat, de Storlock. 40 et Maro, à Faltaz. Ya, ya. Storlock, c'est, au Pezo, ouais, je me suis hein. Quand des Kawar, en torquant de l'assaut, hein. Ag, bon, c'est-tu, on dravote, hein, de, quel, de, tu, de, Hadon war leuren, hein. Ag a hendel zo, o bladen, kertriz, o deux de mes, roas gand Yves Berthoud, Iwan Berthoud zo, zon or, bombard, an eus gred or bladen gand, Franche Pernes, a Patrick Mollard, ag a zo, galzeton yo barz, hein, o bern dant vezo vid, rezo tiski, zon, hein, spell noan, hanter canton zo barz, dreistol, gavoten, quoi. Ag bon, la rande d'une, de reine de soin de glaive, d'en devait voir, son air, monte brin, bladen, bon, sais-tu, aïe, pointe, me mestra, et je suis, qu'à Hendel, hem, rebelle, pardon, rebelle, un trou. Sais-tu, la rande d'art, tiens, Norvégel, Morgan. Kenoiri.